profite pas. On se tue à finir ses études, certains même travaillent déjà. À 20 ans t'as déjà vu l'amour, ses complices, la peine et la joie. Les larmes versées se sont vite asséchées, l'éphémère est de ce temps-là. Amuse-toi, amuse-toi, amuse-toi, amuse-toi.